إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc le cours 2 dans l'explication du livre de Cheikh Mohamed Bazmoul, Hafizahullah, تدبر القرآن وأثره في تزكية النفوس. C'est-à-dire la méditation, la réflexion sur le Coran et son effet sur la purification de l'âme. Et on est arrivé au point où le Cheikh Mohamed Bazmoul, il explique les moyens pour arriver à réfléchir et méditer sur le Coran. Et donc le Cheikh, il dit لِلْتَدَبُّرِ وَسَائِلٌ للتدبر وسائل مهمة وهي ميسرة للمسلم فمن ذلك الوسيلة الأولى قراءة القرآن العظيم وتدارسه وفهم معانيه وليس المقصود هنا بالفهم أن يفهمه كفهم العلماء المجتهدين أو بمصطلحات أهل العلم وإنما الفهم الذي يحقق معنى الآية من جهة دلالتها العامة. Donc le Cheikh explique que la réflexion sur le Coran, c'est un des moyens, c'est bien entendu, il y en a plusieurs, et il dit que ces moyens-là sont facilités pour le musulman, et le premier moyen c'est par la lecture du Coran. La lecture du Coran et l'étude ensemble du Coran et la compréhension de ses significations. Et ça ne veut pas dire que on va comprendre le Coran comme la compréhension des ulama mujtahidin, des grands savants de l'islam, ou qu'on va le comprendre selon les terminologie des hommes de science. Mais cela signifie seulement que on va réaliser la signification du verset dans le sens de qu'est-ce que le verset indique de façon générale. Et il explique ensuite يقول الصنعاني صاحب سبل السلام إن من قرع سمعه قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يفهم معناه دون أن يعرف أن ما كلمة شرط وتقدم مجزوم لأنه شرطها وتجدوه مجزوم بها لأنه جزاؤها ومثلها كثير فيا ليت شعري ما الذي خص الكتاب والسنة بالمنع عن معرفة معانيها وفهم تراكيبها ومبانيها حتى جعلت كالمقصورات في الخيام ولم يبق لنا إلا ترديد ألفاظها وحروفها. انتهى كلامه. Donc ici l'imam al-San'ani il mentionne dans Subul al-Salam que celui qui yani, prête son écoute à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Muzammil, le verset 20, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et tout ce que vous présentez, tout ce que vous faites comme yani, pour vous-même, tout ce que vous faites de bien pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah. En mieux, tout ce que vous faites de bien pour vous-même, vous le retrouverez en mieux auprès d'Allah et plus grand encore comme récompense. Une récompense plus grande encore. Demandez pardon à Allah et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Donc quiconque comprend cette signification, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, tout quiconque comprend cette signification, il saura que, c'est-à-dire que tu peux comprendre cette signification dans le Coran quand tu lis ce verset en arabe, même si tu ignores que ma c'est une parole qui est l'article de la condition et tuqaddimu il est majzoum, et que pourquoi, parce que c'est la condition elle-même, tajiduhu aussi est majzoum par tuqaddimu parce que c'est sa récompense et ainsi de suite. Donc ça c'est des termes de grammaire et des choses qui sont reliées à la grammaire qui nous aident à comprendre le sens du verset. Mais on peut comprendre le sens du verset sans savoir ces questions de grammaire-là. On peut comprendre qu'est-ce que le verset signifie, même si on ne comprend pas cette explication ou cette analyse grammaticale. Le cheikh, il dit, « Faya alayta shi'ri ». Donc il dit, qu'est-ce qui a rendu le Coran et la Sunna impossible à quelqu'un de connaître ça, yani, qu'est-ce qui a fait que sa signification devient impossible à connaître ou à comprendre dans sa formulation ou dans sa façon comment les versets sont construits jusqu'à ce qu'on en ait fait comme des yani al-maqsurat fil khiyam, comme on dit, c'est les femmes du paradis, hein? Donc quelque chose qui n'est pas possible d'atteindre, hein? Et qu'il ne nous reste que seulement répéter les versets et les lettres et les mots sans comprendre. Donc il y a des gens qui ont pensé que le Coran c'est comme ça, qu'on le lit juste pour avoir la récompense de réciter les lettres, mais qu'on le comprend pas. Non, il faut faire les efforts pour essayer de comprendre sa signification. Et il ne faut pas penser que ça va être compris de la part de chaque individu parmi les musulmans de la même manière que les ulama lorsqu'ils analysent le verset de façon grammaticale et toutes les analyses qui ont rapport avec l'i'rab, al-sarf, al-nahw, wal-yani, wal-balagha, tout ça c'est des choses qui nécessitent beaucoup d'études et des choses qui nécessitent des connaissances plus approfondies. Mais de façon générale, on est capable d'avoir une compréhension de ce verset-là lorsqu'on le récite. Et il dit « Wa mithlu hadha al-fahm yahsuluhu al-muslim ou yuhassiluhu al-muslim bi muraja'ati kutub al-tafsir al-mutayassira ka tafsir al-baghawi wa tafsir ibn Kathir wa tafsir ibn Sa'di wa nahwiha wa qad kana as-salaf 'ala hadha. » Donc le cheikh il dit, cette compréhension, tu peux l'obtenir en lisant yani, ou en regardant dans les livres de tafsir qui sont faciles, comme tafsir al-Baghawi, tafsir ibn Kathir, tafsir ibn Sa'di, wanahwiha. Il y a des tafsir faciles comme ça. Et les salafs, c'est comme ça qu'ils comprenaient le Coran. Il dit, wa dhakara al-Tabari, rahimahullah, fi muqaddimati tafsirihi, al-akhbar, allati ruwiyat في الحظ على العلم بتفسير القرآن ومن كان يفسره من الصحابة وأورد فيه جملة من الآثار في ذلك منها عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن معانيهن والعمل بهن. Donc le cheikh il cite que l'imam al-Tabari dans l'introduction de son tafsir il mentionne les informations qui ont été rapportées pour inciter les gens à connaître la signification de l'interprétation du Coran et comment les sahaba eux-mêmes interprétaient le Coran. Et il a rapporté à ce sujet-là plusieurs citations et plusieurs narrations des salafs. Par exemple, la parole d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, lorsqu'il a dit « L'un d'entre nous apprenait 10 versets et il ne les dépassait pas avant d'avoir su ce qu'elles contiennent comme signification et comme application. » 10 versets. Ashra ayat. Donc le cheikh dit « Wa'an Abi Abdurrahman al-Sulami » قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. Donc le cheikh il dit, selon Abu Abdurrahman al-Sulami, il dit que ceux qui nous ont appris le Coran nous ont dit qu'ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils demandaient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de leur réciter et ils apprenaient 10 versets du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne passaient pas à quelque chose d'autre, ou ils ne les laissaient pas, jusqu'à ce qu'ils aient appris dans ces 10 versets, qu'est-ce qu'il y a comme pratique, des choses à mettre en pratique dedans. Et donc ils apprenaient le Coran et la pratique du Coran ensemble. Yani le Coran et l'application du Coran ensemble. وَهَذَا لَفْظُ الْأَثَرِ كَمَا فِي رِوَيَةِ أَبِي الْفَضْلِ الرَّازِ فِي كِتَابِهِ فَضَائِلُ الْقُرْآنِ إنما أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزهن إلى العشر الآخر حتى يتعلموا ما فيهن من العمل. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. Donc c'est ça. Il faisait 10 versets puis passait à 10, mais avant de passer aux 10 suivants, il ne les laissait pas avant d'avoir compris qu'est-ce qu'il y a à mettre en application dedans. Le Cheikh il dit وعن مسروق قال عبد الله والذي لا إله غيره ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت ولو أعلم ما كان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. Donc ça c'est مسروق, un des élèves d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, qui a appris le Coran avec lui. Il dit, par celui qui a mon âme en sa main, il n'y a pas un verset qui est révélé dans le livre d'Allah, excepté que je connais à quel sujet il a été révélé et où est-ce qu'il a été révélé. Et si je connaissais l'endroit où je peux trouver quelqu'un qui est plus savant à propos du livre d'Allah que moi, et que c'est possible de l'atteindre, eh bien, je serai parti pour le retrouver. Et il dit, وَقَالَ أَبُو جَعْفَرْ مُحَمَّدِ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِي رَحِمَهُ اللَّهِ وَفِي حَثِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ عِبَادَهُ عَلَى الْاِعْتِبَارِ بِمَا فِي آيَ الْقُرْآنِ والمواعظ والبينات بقوله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقوله ولقد صرفنا للناس أو ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. Donc le cheikh il dit, il cite une autre parole maintenant, c'est de Abu Ja'far al-Tabari ibn Jarir, Muhammad ibn Jarir al-Tabari, qui est mort en 310 de la Hijra, rahimahullah. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a incité ses serviteurs à réfléchir sur les versets qu'il y a dans le Coran à partir des exhortations et des clarifications en disant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un livre que nous avons fait descendre sur toi qui est béni pour qu'il puisse méditer sur ces versets et pour que ceux qui détiennent la raison se rappelle. Ainsi que le verset 27 et 28 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous avons donné comme parabole ou comme exemple pour les gens dans ce Coran toutes sortes de paraboles, toutes sortes d'exemples, pour que les gens puissent se souvenir. Un Coran, hein, un livre, un Coran qui est récité en arabe et qui ne contient aucune tortuosité, aucun doute, aucune gêne, pour qu'il puisse atteindre la piété. وما أشبه ذلك من آي القرآن التي أمر الله عباده وحثهم فيها على الاعتبار بأمثال آي القرآن والاتعاظ بمواعظه ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله من آية لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله اعتبر بما لا يفهم لك أو بما لا فهم لك ولا معرفة من القيل والبيان والكلام إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه ثم يتدبره ويعتبر به. وأما قبل ذلك فمستحيل أمره بتدبره وهو بمعناه جاهل، كما محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه لو أنشد قصيدة شعر من أشعار بعض العرب ذات أمثال ومواعظ وحكم يعتبر بما فيها من الأمثال والذكر بما فيها من المواعظ إلا بمعنى الأمر إلا بمعنى الأمر لها بمعنى الأمر لها بفهم كلام العرب ومعرفته ثم الاعتبار بها ثم الاعتبار بما نبهها عليه ما فيها من الحكم. أما وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق فمحال أمرها بما دلت عليه معاني ما حوته من الأمثال والعبار. On va lire cette partie, on va traduire cette partie. Le cheikh, il explique ensuite, donc ça c'est la suite de la citation de l'imam al-Tabari. Il cite un passage, donc après avoir mentionné les deux versets qu'on a mentionnés, verset 27 et 28 dans Surat Az-Zumar et le verset 29 dans Surat Sad, il dit, et ainsi que ce qui ressemble à ces versets-là parmi les versets du Coran que Allah a ordonné ou bien dans lesquels il y a l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'ordonner ou d'inciter ses serviteurs l'ordre d'Allah pour ses serviteurs et l'incitation pour eux de réfléchir sur les exemples des versets du Coran et de prendre des exhortations de ce qui est indiqué dans ces versets, de qu'est-ce qu'ils doivent connaître, de prendre des exhortations et des leçons, des exhortations qui sont indiquées. Ça prouve qu'ils doivent connaître l'interprétation de ces versets-là. Hein? Tant qu'ils n'ont pas été empêchés ou voilés de connaître l'interprétation du verset en question. Parce que c'est impossible pour eux de que ce soit dit ou qu'on leur dise de réfléchir sur des versets qu'ils ne comprennent pas. On ne peut pas dire à quelqu'un « Réfléchis sur cette parole, mais il ne comprend pas cette parole. » Ce n'est pas possible. Hein? Donc, il ne pourra pas comprendre son interprétation. Il ne pourra pas non plus réfléchir et méditer sur sa signification. Et on ne va pas dire non plus, le cheikh il dit, de même que si quelqu'un il n'a pas la connaissance de ce qui est dit, et de la parole et de la clarification elle-même, eh bien si il n'a pas la connaissance, il ne comprend pas qu'est-ce qui est dit, on ne peut pas lui demander donc de méditer ou de réfléchir sur les sens de cette parole puisqu'il ne la comprend pas. Donc dans ce cas-là, ce sera un appel à comprendre. Dans ce cas-là, les versets nous demandent à comprendre. Hein? Et le cheikh il dit, mais avant ça c'est impossible, avant d'avoir compris la parole d'Allah, c'est impossible de méditer sur son sens, hein? Dans le sens que si quelqu'un il ignore sa signification, on ne peut pas lui ordonner de réfléchir sur ses sens. Et c'est impossible également à demander à des gens par exemple qui ne comprennent pas la langue arabe de méditer sur le sens de ce qui est dans le Coran. Hein, puisqu'ils ne le connaissent pas, ils ne le comprennent pas. Et donc, c'est la même chose si on cite à des gens qui ne sont pas arabes des vers de poésie, hein, avec des exemples, avec des paraboles dedans, hein, et ben, ils ne vont pas comprendre. Les gens ne vont pas comprendre s'ils ne connaissent pas la langue arabe. Et donc, le cheikh, il dit ça, c'est des exemples. Et ça, dans ce cas-là, ça veut dire que l'ordre de méditer par rapport à ces versets-là, dans ce cas-là, pour ces gens-là qui ne connaissent pas l'arabe, c'est de les appeler à comprendre la parole des arabes et de connaître leur langue et de l'apprendre aussi. ثم الاعتبار بما نهانا نبهنا عليه ما فيها من الحكم. Non, c'est pour réfléchir et nous indiquer ce qu'il y a dans ces versets-là par la suite comme sagesse aussi. Mais si la personne elle est ignorante de qu'est-ce qui est dit dans la parole elle-même et qu'elle ne comprend pas, donc ça c'est clair que c'est impossible dans ce cas-là de lui demander quoi que ce soit au sujet de la méditation sur les sens de cette parole. Et lui demander de prendre des leçons de cette parole-là, ce sera pas possible. Ça, c'est clair. Après, il dit, بل سواء أمرها بذلك وأمر بعض سواء نعم بل سواء أمرها بذلك وأمر بعض البهائم به. Le cheikh il dit, c'est équivalent d'ordonner à un animal de réfléchir que de l'ordonner à cette personne-là parce qu'elle ne comprend pas du tout, hein? Comme un animal, mais ce n'est pas pour dire que cette personne est un animal, mais c'est pour dire que cette personne elle n'a pas la capacité de comprendre parce qu'elle ne connaît pas la langue. إلا بعد العلم بمعاني المنطق أو المنطق والبيان الذي فيها. Excepté après qu'elle ait appris la signification de qu'est-ce qui est dit et la clarification de qu'est-ce qui est mentionné. فكذلك ما في آية كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ لا يجوز أن يقال اعتبر بها إلا لمن كان بمعاني بيانه عالما وكلام العرب عارفا وكلام العرب عارفا وإلا بمعنى الأمر لمن كان بذلك منه جاهلا أن يعلم معاني كلام العرب ثم يتدبره وبعد يعني يتدبره بعد ويتعظ بحكمه وصنوف عباره. Donc c'est ça. Il dit donc c'est comme ça que il faut donc agir la même façon avec les livres d'Allah, comme on agirait avec quelqu'un qui réciterait des poèmes en arabe dans lesquels il y a des paraboles ou des réflexions, des sagesses. Bien avec les livres d'Allah, c'est encore plus important. Sauf que, yani, il faut connaître la signification de la parole et pour ça, il faut connaître la langue arabe et il faut comprendre. Et on ne peut pas dire à la personne de méditer sur une parole à moins qu'elle ait la connaissance et qu'elle ait appris la langue arabe et qu'elle ait compris la signification des paroles qu'on lui demande de réfléchir dessus. Yani. Et donc, c'est ça. C'est pour dire qu'il faut apprendre l'arabe. Donc, ça veut dire que pour nous, qui ne sommes pas à la base arabophones, nous devons apprendre la langue arabe. Et ça, c'est une parole que les ulama ont clarifiée aussi, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans Iqtida Sirat al-Mustaqim, il dit, c'est une règle dans la charia, ça dit, مَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبْ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. C'est-à-dire que quelque chose, si c'est obligatoire de l'avoir pour être capable d'accomplir qu'est-ce qui est obligatoire, même si elle n'est pas obligatoire elle-même, cette chose à la base, elle devient obligatoire puisqu'elle est nécessaire pour mettre en application une chose obligatoire. Qu'est-ce qui n'est pas obligatoire mais qui est nécessaire pour appliquer quelque chose d'obligatoire, il devient lui-même obligatoire. C'est ça que ça veut dire. Donc la langue arabe, comme si à la base, ce n'est pas obligatoire de le connaître, mais pour être capable d'apprendre la religion et de connaître la parole d'Allah, c'est obligatoire de connaître l'arabe. Donc dans ce cas-là, de connaître la langue arabe devient obligatoire dans ce cas-là. Hein? C'est sûr qu'on peut dire aujourd'hui, oui, il y a les traductions, on peut apprendre avec les traductions et ainsi de suite, mais ce sera toujours par un intermédiaire. Ce ne sera jamais un message direct. Hein? Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut hein, que le message nous atteigne directement et qu'on soit capable d'avoir le message sans intermédiaire, que ce soit plus clair, sans intermédiaire par le traducteur. Parce que sinon, il y a un traducteur par la transmission, du fait qu'on a entre nous et la révélation, il y a les sahaba, il y a les ulama, il y a les générations qui ont transmis le Coran. Mais en ce qui concerne la compréhension de l'arabe, on n'a pas besoin d'avoir un intermédiaire si on connaît l'arabe, tandis que si on ne le connaît pas, on est obligé d'avoir un traducteur. Et c'est ça c'est ça qui est moins intéressant. Mais le cheikh il dit ensuite, وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وكان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتدبره وحثهم على الاعتبار بأمثاله كان معلوما أنه لم يأمر بذلك إلا من كان بما يدل عليه آية جاهلا وإذا لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون صح أنهم بتأويل ما لم يحجب عنهم علمه من آيه الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه الذي قد قدمنا صفته آنفا عارفون وإذا صح ذلك فسد قول من أنكر تفسير المفسرين من كتاب الله وتنزيله ما لم يحجب عن خلقه تأويل عن خلقه تأويل تأويله أو عن خلقه تأويله. Donc la dernière, le dernier paragraphe qui est cité des paroles de l'imam al-Tabari ici, c'est qu'il dit que, donc si c'est ainsi, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de méditer et de réfléchir. Et donc ça indique que, en fait, il répète encore la même chose. C'est sûr qu'on sait très bien qu'il ne nous, il ne nous aurait pas ordonné de le faire, c'est-à-dire de méditer sur les versets qu'on ignore leur, leur sens ou leur signification. وَإِذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ إِلَّا وَهُمْ بِمَا يَدُلُّهُمْ عَلَيْهِ سَامِعُونَ وَصَحَّ أَنَّهُمْ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ يُحْجَبْ بِهِ. Donc c'est ça, c'est pour dire qu'on doit tous être capables de comprendre le sens général de la parole d'Allah. C'est ça que ça veut dire. Et comme on a expliqué tout à l'heure, avant que certains des frères qui n'étaient pas encore arrivés, pour qu'ils comprennent aussi, c'est que il y a des façons que les ulama, eux, ils expliquent le Coran en utilisant par exemple des terminologies grammaticales et en utilisant l'analyse grammaticale, le sarf et toutes sortes d'autres sciences, l'balara et ainsi de suite. Et ça, c'est des analyses, quand on les mentionne à quelqu'un parmi le commun des musulmans, il ne va pas comprendre ces analyses-là ou ces explications-là, parce que c'est des choses qui sont dans un langage scientifique ou dans un langage que seuls ceux qui ont de la connaissance de ces choses-là peuvent comprendre. Mais au-delà de ça, il y a des compréhensions plus simples du Coran, de qu'est-ce que le verset signifie de façon générale. Et quand tu regardes dans les tafsirs qui sont simples, tu es capable d'obtenir ces compréhensions-là sans avoir nécessairement besoin de connaître tous les outils que les ulama possèdent pour arriver à analyser la révélation de la façon dont ils le font. C'est ça ce qu'il veut dire. Et donc on a mentionné ici le premier moyen de yani, méditer sur le Coran, c'est-à-dire par la lecture du Coran. Deuxièmement, al-wasilatu thaniya al-amalu bima fihi, la mise en application de qu'est-ce qui est mentionné dedans. Donc ça c'est le deuxième point qui fait partie des moyens par lesquels on peut méditer sur le Coran, c'est de le mettre en pratique. Et le cheikh il dit وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ مَا كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ خُلُقُهُ القرآن. وعن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم يعني فقد سبقتم سبقا بعيدا وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم. Donc le cheikh il a mentionné ici que l'exemple que lorsque Aïcha رضي الله عنها elle a été questionnée à propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu es certes quelqu'un qui est sur un comportement, un très grand comportement, très noble comportement. Donc là, il mentionne le verset 4 dans Surat al-Qalam, « وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ » Tu es certes d'un comportement très grand, très bon. Eh bien, il dit que quand quelqu'un a posé la question à Aïcha radiallahu anha, quel est le comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, son comportement c'était le Coran. Son comportement c'était le Coran, et c'est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih. Donc, ensuite, il cite les paroles de Hudhayfa radiallahu anhu, un autre compagnon, dans lequel il dit « Oh vous, assemblée de récitateurs, assemblée de ceux qui lisaient le Coran, restez droite, restez sur le droit chemin, parce que vous, si vous le faites, vous avez dépassé les autres de très loin, d'une très grande distance. » Mais si vous commencez à tourner à droite et à gauche, alors vous serez égarés d'un égarement lointain. Hein? Celui qui est en avant de tout le monde, s'il est sur le droit chemin, il va être en avant de tout le monde. Il a une bonne avance, il est hein, très éloigné sur le droit chemin. Tandis que celui qui est à gauche ou à droite, hein, et bien lui, plus il s'avance et plus il devance les autres, plus qu'il s'égare. Donc c'est encore plus dangereux de t'égarer quand tu es en avant que quand tu es en arrière, hein, en voulant dire que les autres, tu les dépasses tous. C'est grave si tu n'es pas sur le bon chemin ou le droit chemin. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari dans le livre Al-I'tisam, dans le chapitre au sujet du fait de prendre les exemples de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Après, il dit wa yurwa an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya hamalat al-Qur'an ou ya hamalat al-ilm اعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عمل يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه أولئك لا تصعد أعمالهم إلى مجالسهم تلك إلى الله انتهى كلامه رحمه الله. Donc ça, c'est une parole de Ali radiallahu anhu qui est attribuée à Ali radiallahu anhu ibn Abi Talib et qui est citée dans le livre At-Tibyan fi Adab al-Qur'an de l'imam al-Nawawi. Il dit Ali radiallahu anhu, il dit oh vous qui avez porté le Qur'an, c'est-à-dire qui avez mémorisé le Qur'an, et oh vous qui ou bien oh vous qui détenez la science, mettez en pratique votre science, car le savant qui met en pratique ce qu'il sait, car c'est uniquement le savant qui met en pratique ce qu'il sait. Le savant, c'est uniquement celui qui met ce qu'il sait en pratique. C'est ça que le cheikh il cite ici de Ali radiallahu anhu. Mettez votre science en pratique parce que c'est uniquement celui qui met sa science en pratique qui est un savant. Et il dit et que sa science est en accord avec son action. Sa science ou bien son action est en accord avec sa science. C'est ça. Sa science est en accord avec son action. Et il dit, il y aura des gens par la suite qui vont venir, plus tard. Ils vont porter la science, mais ça ne va pas descendre plus bas que leur clavicule, que leur gorge. Et leurs actions vont être en contradiction avec leur science. Et également, leur intérieur sera en contradiction avec leur intérieur. Ils vont s'asseoir en cercle, ils vont s'asseoir en cercle et chercher à s'impressionner les uns les autres, jusqu'à ce que l'un d'entre eux se mettra en colère par rapport à l'autre qui est assis, hein, une fois qu'il le laisse pour aller s'asseoir vers quelqu'un d'autre. Il dit, ceux-là, leurs œuvres, elles ne vont pas monter. Elle ne va pas être élevée vers Allah dans cette assise. Et ça, c'est donc, comme je disais, rapporté dans At-Tibyan, fi adabi hamalat al-Qur'an. Wa yurwa an al-Hasan al-Basri أن هذا القرآن قد قرأه عبيد عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، وما تدبر آياته إلا باعتباره، وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، يعني سبحان الله، حتى إن أحدهم ليقول لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله. ما يرى القرآن له في خلق ولا عمل، أو لا يرى القرآن له في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس، والله ما هؤلاء بالقراء ولا بالعلماء ولا الحكماء ولا الورعة، حتى كانت القراء مثل هذا. متى كانت القراء مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. انتهى كلامه. نعم، c'est des hasards quand tu les lis, c'est triste parce que tu vois que c'est parfois même la réalité de qu'est-ce que on constate aujourd'hui et qu'est-ce qu'on voit. Le cheikh il dit que il est rapporté également selon Al Hassan Al Basri, rahimahullah, que il dit que le Coran il a été lu par des esclaves, par des enfants qui n'ont pas de connaissance de son interprétation et qui n'ont pas réfléchi ou médité sur ces versets, excepté en le suivant. Hein? Et donc, c'est pas par le fait de mémoriser ces lettres et de laisser aller ces règles, hein, que tu vas avoir mémorisé le Coran ou médité sur le Coran. C'est pas juste mémoriser les lettres que tu appliques pas les règles. Il dit que même l'un d'entre eux, il va dire, j'ai lu le Coran et je n'ai oublié, je n'ai laissé tomber aucune lettre. Et par Allah, il les a toutes laissées tomber. On ne voit pas sur lui aucun exemple du comportement du Coran, ni l'application du Coran, jusqu'à ce que l'un d'entre eux dise, hein, je suis capable de réciter telle sourate dans un seul souffle. Il dit par Allah, ces gens-là ne sont pas des récitateurs, ils ne sont pas des ulama, ils ne sont pas des sages, ils ne sont pas des vertueux. Quand est-ce qu'un récitateur était comme ça? C'est-à-dire depuis quand un récitateur, ça va être quelqu'un qui est comme ça, hein, qui se vante ou qui prétend, qui dit moi je suis capable de réciter le Coran dans un seul souffle, ou dans un seul verset, un verset je peux le réciter dans un seul souffle, ou des choses comme ça. Il dit que Allah n'augmente pas le nombre de ce genre de personnes. Et ça c'est la fin de cette parole, et c'est rapporté dans le Sunan de Saïd ibn Mansour et dans Shu'ab al-Iman de l'imam al-Bayhaqi et dans Az-Zuhd de l'imam ibn al-Mubarak. Il dit wa yuzkaru an al-Hasan al-Basri qal أمر الناس أن يعلموا أن يعملوا بالقرآن فاتخذوا تلاوته عملا. Donc le cheikh il mentionne, il dit que on a mentionné de la part de Al-Hassan al-Basri qu'il a dit on a ordonné aux gens de mettre le Coran en application, puis ils ont fait de la récitation une action. On leur a dit de mettre le Coran en application, mais ils ont fait l'action comme si c'était juste le fait de le réciter, c'est tout. Ça c'est dans Tafsir As-Sam'ani, et Madarij al-Salikin et Talbis Iblis de Ibn al-Jawzi. Il dit le moyen numéro 3, الوسيلة الثالثة تعليمه والدعوة إليه, le fait de l'enseigner et d'appeler les gens au Coran. Il dit وقد جاء في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم فإنكم عنه تسألون وبه تجزون وكفى به واعظا لمن عقل. Donc le cheikh il mentionne comme point numéro 3 qu'il faut l'enseigner et appeler les gens à ce Coran. Que ça c'est le troisième moyen. Et il dit, c'est rapporté dans le hadith, que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a enseigné le Coran et qui l'a appris. Et selon Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, il dit, accrochez-vous à ce Coran, enseignez-le, mettez-le en pratique et apprenez-le à vos enfants. Parce que vous allez être questionné à son sujet. Et vous allez être récompensé selon qu'est-ce qui est dedans. Et yani, cela est suffisant comme exhortation pour celui qui réfléchit. Cela est suffisant comme exhortation pour celui qui réfléchit. Et ça, c'est tiré du livre Mushkil al-Athar de l'imam al-Tahawi. Le quatrième moyen pour méditer sur le Coran, c'est Qiyam al-Layl, de prier la nuit. La prière nocturne. Il dit لأنه أكثر الأوقات مواطاة للقلب. قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. C'est-à-dire que les temps qui sont les plus qui ont le plus d'effet, dans lesquels tu fais des récitations et que ça va avoir le plus un effet sur ton cœur, c'est lorsque tu récites la nuit, pendant la prière de la nuit. قيام الليل. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans sourate al-Muzzammil dans le verset 6, la prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. OK, le cheikh il dit wal musalli fi qira'atihi wa salatihi innama yunaji rabbahu, la personne qui fait la salat quand elle récite le Coran, c'est comme si elle était en train de s'adresser et d'appeler son Seigneur. وعن البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. Donc le cheikh il dit que la personne qui fait la salat, dans sa salat elle est en train de s'adresser à Allah, de parler à Allah à voix basse ou de s'adresser à son Seigneur comme si elle parlait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Bayadi, il a rapporté un hadith qui est rapporté dans la Musnad de l'imam Ahmad et authentifié par Ahmad Shakir. Il dit que, yani, dans ce hadith, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers les gens et il les a trouvés en train de prier et que leur voix s'élevait dans la récitation du Coran. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la personne qui prie, elle s'adresse à son Seigneur, elle parle à son Seigneur. Alors regardez, hein, à qui vous adressez. Et n'élevez pas la récitation avec le Coran les uns sur les autres. N'élevez pas votre voix par la récitation, hein, les uns sur les autres. Donc ça, c'est un hadith à ce sujet-là. Après, il dit: وعن عبد الله بن المبارك قال سألت سفيان الثوري قال قلت الرجل إذا قام إلى الصلاة أي شيء ينوي بقراءته وصلاته؟ قال ينوي أنه يناجي ربه. Il dit, selon Abdullah ibn al-Mubarak, qu'il a demandé à Sufyan al-Thawri, il dit: j'ai dit, un homme établit la salat, il fait la salat. Qu'est-ce qu'il doit avoir comme intention lorsqu'il récite et lorsqu'il fait sa salat? Quelle intention il doit avoir? Il dit, il doit avoir l'intention qu'il est en train de s'adresser à son Seigneur. Yunaji, quand on dit il s'adresse à lui, c'est-à-dire il est en train d'avoir une c'est comme s'il était en train de lui parler à son Seigneur. C'est ça qu'il doit penser dans son cœur. C'est ça qu'il doit avoir comme intention dans son cœur. Et ça, c'est rapporté dans Ta'zim Qadr al-Salat de l'imam al-Marwazi. Il dit aussi: wa qala Qatada ما أكلت الكراث منذ قرأت القرآن. أي نعم نعم. Il dit, Qatada a dit: je n'ai pas mangé de poireau depuis que j'ai récité le Coran. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Je ne comprends pas. Est-ce que le poireau, c'est un légume qui a une odeur? C'est comme un oignon, le poireau? Ça ressemble à un oignon, hein? Mais ce n'est pas un oignon. En tout cas, je ne comprends pas cette... Ouais, peut-être. Ah, peut-être. Allahu a'lam. Il dit: ma akaltu al-kirath mundu qara'tu al-Qur'an. Depuis que j'ai lu le Coran, j'ai pas mangé de kirath. Kirath. Tayyib. Le cinquième moyen par lequel on peut réfléchir et méditer sur l'essence du Coran, c'est le suivant: استحضار القلب عند قراءته. C'est-à-dire d'avoir la présence de cœur au moment où on le récite. C'est-à-dire de ne pas être indifférent ou insouciant, juste le réciter comme ça. Non. Il faut que le cœur soit présent. Et le Cheikh, il dit: لأنه موجه من الله إليك. موجه إليك من الله. موجه من الله إليك أوامره ونواهيه ونداءاته وآياته ويعني رسائل من الله إليك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين. Donc le Cheikh il dit ici que le Coran, c'est quelque chose dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à toi directement. Ses interdictions, ses ordres, ses appels, ses versets sont des messages pour toi. Et il dit, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a dit: celui qui veut la science alors qu'il étudie le Coran, qu'il apprenne le Coran, parce qu'il y a dedans les informations au sujet des premiers hommes et des derniers. Donc ça c'est important. Et il dit, dans la note de bas de page, il y a quelques explications ici qui mentionnent l'origine de cette citation. Et il dit que c'est Sahih Lidhatihi. Puis il mentionne d'autres exemples de cette parole. Naam, d'autres citations semblables. Après, il dit, وقال الحسن ابن علي رضي الله عنه من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. Donc le cheikh il mentionne que Al-Hassan, le fils d'Ali radiallahu anhu, il disait que ceux qui étaient avant nous, ils voyaient le Coran comme étant des messages de la part de leur Seigneur. Et ils réfléchissaient sur leur sens durant la nuit et ils recherchaient leur sens durant le jour. Hein? Ils réfléchissaient la nuit et le jour, ils cherchaient leur signification. Et il dit, « وقال الحسن البصري رحمه الله قراء القرآن ثلاثة أصناف فصنف اتخذوه بضاعة يأكلون به وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على أهل بلادهم واستدروا به الولاة كثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كثرهم الله وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم فوكدوا به في محاريبهم وحنوا به في برانسهم واستشعروا الخوف وارتدوا الحزن فأولئك وارتدوا الحزن أو الحزن فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء والله لهذا الضرب والله لهذا الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر. Donc Al-Hassan al-Basri, il dit que les gens qui ont mémorisé le Coran ou qui ont le Coran, qui récitent le Coran, ils sont de trois catégories. La première catégorie, c'est ceux qui ont pris le Coran comme quelque chose qu'ils utilisent pour pouvoir manger. Ils mangent avec le Coran, en voulant dire que c'est quelque chose qui leur est utilisé pour gagner de l'argent pour manger avec. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ont établi les lettres. Ils savent bien réciter les lettres, mais ils n'ont pas mis en application les limites et les règles du Coran. Et ils se sont élevés par-dessus les gens de leur pays, et ils se sont rapprochés des dirigeants avec le Coran. Et il dit, cette catégorie de personnes qui ont mémorisé le Coran sont nombreuses. C'est une catégorie nombreuse et que Allah ne les augmente pas. Et il dit qu'il y a une autre catégorie qui, eux, ont utilisé le Coran comme un remède et ils l'ont donc mis comme un médicament pour guérir les maladies de leur cœur. Et ils l'ont utilisé pour faire la prière et ils l'ont mis sur. Ils ont mis en application. Ils ont réfléchi sur les versets, ils ont ressenti la crainte quand ils ont lu les versets et ils ont compris donc ce que ça impliquait comme signification à cause de ça. Donc Allah, il fait tomber la pluie à cause de ces gens-là et il donne la victoire aux musulmans sur leurs ennemis à cause de ces gens-là. Et c'est cette catégorie de personnes qui ont le Coran est plus rare que le soufre rouge. une sorte de pierre rouge. Et donc, c'est pour dire que c'est une pierre rare. C'est déjà rare, cette catégorie-là. Non. Donc, ça a rapport avec la méditation sur le Coran. Maintenant, on va passer à un autre point, un autre aspect du livre, et c'est au sujet de la méditation, de la purification de l'âme. Et comment on purifie notre âme. يقول الشيخ بزمول محمد بزمول يعني حفظه الله المحور الثاني تزكية النفوس ويشتمل هذا المحور على النقاط التالية أولا بيان معنى تزكية النفس ثانيا أهمية تزكية النفس ثالثا أحوال النفس بحسب تزكيتها ورابعا Donc le cheikh il dit que ce chapitre ou cette partie du livre c'est à propos de la purification des âmes et cette partie du livre comprend quatre parties. La première partie au sujet de la signification de la purification de l'âme. La deuxième, l'importance de purifier notre âme. La troisième, les états de l'âme selon sa purification. Et le point numéro 4, comment on peut arriver à purifier notre âme. Ça, c'est les points qui vont être traités dans ce chapitre ou dans cette partie. Premièrement, quelle est la signification de la purification de l'âme selon les gens de Ahl Sunnah wal Jama'ah? Il faut spécifier ça parce que pour les gens de la Sunnah, la purification de l'âme, c'est pas la même chose que pour les soufis, par exemple. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va expliquer des exemples à ce sujet-là. Qu'est-ce que le cheikh a dit? Qu'est-ce que c'est la purification de l'âme? Az-zakatu, lughatan. Az-zakatu fil lugha, hi an-nama wa az-ziyada. Wa fi az-ziyadatu fil salah. وكمال الشيء يقال زكى الشيء إذا نما وفي الشرع طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة ومن أهم ذلك طهارة النفس ومن أهم ذلك طهارة النفس طهارة النفس من الشرك والبدع والمعاصي وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام وتكون سببا لزيادته وبركته وكثرة نفعه وتوفيقا إلى استعماله في الطاعات. Donc le cheikh il explique que la signification du mot tazkiya, c'est important de le connaître, ça vient du mot zakat. Et il y a la purification, donc on a tazkiya, ça veut dire la purification en français. Mais dans la langue arabe, le mot zakat, il a un autre sens. Et vous savez qu'est-ce qu'il signifie dans la langue arabe? Selon la langue, le mot zakat signifie l'augmentation. L'augmentation. Et l'accroissement et l'augmentation dans le bien. Hein? Et le perfectionnement de quelque chose. Quand quelque chose se complète. Se complète et se parfait. Donc tu dis zakashay idha nama, lorsque quelque chose a accru ou bien s'est accru ou bien a augmenté, on dit qu'elle a zaka en arabe. C'est un verbe zaka yazku. Donc ça veut dire augmenter. Toutefois dans la religion, le terme zakat, il a une autre signification qui implique la purification de l'âme de tous les mauvais comportements. Hein? Et parmi les choses les plus importantes à purifier, c'est l'âme. Et de purifier l'âme de quoi? Du shirk en premier, parce que c'est ça le plus grave, le plus dangereux, c'est le shirk. Et des bid'ah, des innovations, et des péchés, des ma'asi. Donc ça, c'est trois choses qu'il est nécessaire de purifier. Hein? Quand on veut purifier notre âme, on doit purifier notre âme de ces choses-là en premier. وزكاه المال انما سميت زكاه لانها تطهره من الحرام وتكون سببا لزيادته وبركته وكثره نفعه وتوفيقا الى استعماله في الطاعات. Donc pourquoi on appelle la zakat zakat dans ce cas-là? C'est parce que la zakat, en réalité, quand on donne la zakat sur notre argent, on l'appelle zakat. Pourquoi? Parce que c'est une purification de nos biens, purification de notre argent de qu'est-ce qui est haram. Également, c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala augmente, hein, notre bien, augmente notre bien et la bénédiction de nos biens, et augmente le profit et le bienfait qu'il y a dans notre bien, et nous donne le succès de l'utiliser, ce bien, dans l'obéissance d'Allah. Et ça, c'est tiré des paroles de l'imam Ibn Kathir dans son tafsir au début de Surat Fussilat. Ensuite, il cite les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Il dit, وَقَالَ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah, l'élève de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فجمع بين الأمرين الطهارة والزكاة لتلازمهما. فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن وبمنزلة الرغل في الزرع وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة والنحاس والحديد. فكأنما أو فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت فعملت عملها أو عملها بلا معوق ولا ممانع فنمى البدن. فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة زكى ونمى وقوى واشتد في واشتد وجلس على سرير ملكه ونفذ حكمه في رعيته فسمعت له وأطاعت. فلا سبيل إلى زكاته إلا بعد طهارته كما قال تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Bon, qu'est-ce qu'il explique l'imam Sheikh Ibn al-Jawzi? Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné dans le verset 103 dans Surat al-Tawba, prend une part de leur bien comme sadaqa, comme au monde, comme zakat, par lequel tu vas les purifier. Tu vas les purifier et les augmenter en bien par cela. Il dit dans le verset, il y a les deux mots qui sont employés. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. C'est comme si Allah il utilisait les deux termes, les deux synonymes. Alors que les deux mots veulent dire la même chose. Tathir, c'est la purification. Et az-zakat, ça veut dire purifier. Et là, il dit donc qu'il a réuni les deux. Pourquoi? Parce que les deux mots sont proches. Ils ont des significations qui se ressemblent, qui sont rattachés ensemble. Et la najasa, la najasa, c'est l'impureté. Donc l'impureté des péchés, des turpitudes, qui sont dans le cœur, ils sont semblables aux saletés qui sont sur le corps. Et il dit que c'est comme ar-raghal fi az-zar'. Donc c'est comme sur les choses que tu cultives, il y a des fois il y a des choses qui nuisent à la poussée des bonnes choses que tu veux cultiver. De même que dans l'or et dans l'argent, il y a des saletés dedans aussi. Donc il faut la purifier, l'or, pour qu'elle devienne propre et pure, et l'argent aussi. Donc c'est la même chose, c'est ces péchés-là et ces péchés-là, c'est ça. Ça a le même effet dans le cœur que ces choses-là. Et donc tu dois être débarrassé de ces saletés et de ces péchés pour pouvoir devenir propre et pur. C'est comme ça que tu vas retrouver donc ta force naturelle et que tu vas pouvoir être reposé. De toutes ces choses qui empêchent à ton corps de grandir et de croître. Donc il dit, c'est ainsi que le cœur aussi, lorsqu'il est débarrassé de tous les péchés et qu'il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est vidé de tout ce qui est mélangé avec, comme impureté, comme shirk, comme péché, ou comme bid'a, ou comme autre chose, des choses qui sont mauvaises dans le cœur, eh bien le cœur reprend sa force naturelle et sa volonté d'origine, et il revient vers le bien, et il repose son cœur de qu'est-ce qui l'attire vers les choses mauvaises et corrompues, et c'est ainsi qu'il croît et qu'il augmente et qu'il va se renforcer et devenir plus fort, et qu'il va s'asseoir sur son lit, ou sur son pouvoir, sur son trône de pouvoir, et être capable de donner des ordres et des règles, et de les faire exécuter par ses sujets, c'est-à-dire c'est les membres du corps. Parce que le cœur, l'imam Ibn al-Qayyim, il explique que le cœur, c'est comme un roi dans le corps. Il dit au corps quoi faire, il commande les autres membres. Et les membres du corps sont comme ses soldats, son armée. Ben, si y a pas un bon cœur qui est pur, il peut pas faire travailler son armée comme il faut. Tandis que lorsqu'il est purifié, il peut ordonner à ses membres de mettre en exécution ses ordres facilement. Et ses ordres sont écoutés et obéis. Et donc, il n'y a pas d'autre moyen pour lui de se purifier, excepté en purifiant son cœur. Et il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 30 dans Surat An-Nur, il dit aux croyants qu'ils baissent leur regard et qu'ils préservent leur partie intime. Cela est plus pur pour eux, plus pur pour leur cœur. Et Allah est certes bien informé de ce que vous faites. Donc, il a fait de la purification après avoir nettoyé le cœur de qu'est-ce qui est impur ou de qu'est-ce qui est mauvais par rapport au regard et par rapport aux parties intimes. Donc, si la personne, elle regarde le haram quand elle sort dehors, elle regarde les femmes, elle regarde les choses haram, son cœur, il va pas être pur. Son cœur, il va être corrompu. Il dit, والمقصود أن زكاة القلب موقوفة على طهارته. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il veut dire, le cheikh ici, c'est que la purification de ton cœur, ou bien la force de ton cœur, ça s'arrête à la purification, en fait, du cœur. Si tu purifies pas ton cœur, il sera pas capable. Ne sera pas capable d'être pur et d'être fort. De même que il dit كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة. La même chose que pour le corps, pour que ton corps soit propre, il faut que tu t'écartes et que tu élimines toutes les saletés qui sont sur ton corps. hein, les choses mauvaises. La même chose pour le cœur. Si tu veux le purifier, tu dois le débarrasser de tout ce qui est impur et mauvais. Il dit, وَقَالَ تَعَالَى وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Verset 21 dans Surat al-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset ce qui signifie: ô vous qui avez cru, le verset 21 dans Surat al-Nur, le cheikh il a cité وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, et nous était de la grâce envers vous, la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait été pur. Mais Allah purifie qui il veut. Et Allah est audient et omniscient. Donc ça veut dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui purifie qui il veut. Et il dit, وَذَكَرَ ذَلِكَ سُبْحَانَهُ عَقِيبَ تَحْرِيمِ الزِّنَا وَالْقَذْفِ وَنِكَاحِ الزَّانِيَا فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ التَّزَكِّي هُوَ بِاجْتِنَابِ ذَلِكَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné ce verset là dans Surat al-Nur. Dans quel contexte il l'a mentionné ce verset? Juste après avoir parlé l'interdiction de l'adultère et de la fornication, et après avoir mentionné l'interdiction d'accuser injustement les hommes ou les femmes de fornication ou de choses perverses comme ça, et aussi après avoir mentionné le fait de marier une femme adultéresse ou des choses de ce genre. Il dit que ça, c'est la preuve que la purification se produit en s'écartant de tous ces péchés-là et de ces choses-là. Il dit aussi, وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَلَى فِي الْاِسْتِئْذَانِ عَلَى أَهْلِ الْبُيُوتِ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اِرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ فإنهم إذا أمروا بالرجوع لئلا يطلعوا على عورة لم يحب صاحب المنزل أن يطلع عليها كان ذلك أزكى لهم, كما أن رد البصر وغضه أزكى لصاحبه. Donc le cheikh il explique que la même chose pour la demande de la permission pour rentrer dans les maisons. Lorsque tu viens chez quelqu'un et que tu viens pour le visiter et que la personne, elle te demande de retourner, eh bien, tu retournes dans ce cas-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'explication pourquoi tu dois retourner. Il dit, c'est plus pur pour eux. C'est-à-dire que c'est plus pur pour eux parce que s'ils rentrent, ils risqueraient de voir quelque chose, des choses qui sont intimes de la personne ou que la personne doit cacher, et il n'est pas comme on dit en mesure de les accueillir à ce moment-là à cause de l'état dans lequel il est ou quelque chose comme ça. Alors il demande de revenir, revenir plus tard, et ça c'est plus pur pour eux. Et ça c'est le verset 28 dans Surat An-Nur, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc qu'ils sont ordonnés de revenir pour pas qu'ils voient les choses cachées que la personne qui habite dans cette maison ne veut pas que cette personne la voie, et que ça c'est plus pur pour eux de retourner son regard que de regarder yani, donc c'est plus pur pour la personne de ne pas voir ces choses là il dit wa qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla. Il dit également le verset 14 et 15 dans Surat Al-A'la, celui qui a il a certes eu le succès, celui qui s'est purifié et s'est souvenu du nom de son Seigneur et qui a prié. Et il dit وَقَالَ عَنْ مُوسَى وَقَالَ تَعَالَى عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي خِطَابِهِ لِفِرْعَوْنَ قَالَ يعني هل لك أن وهل لك إلى أن تزكى هل لك إلى أن تزكى C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné au sujet de Moussa alayhi salam lorsqu'il va pour parler avec Pharaon et l'appeler à Allah. Il lui dit dans le verset 18 dans Surat An-Nazi'at, est-ce que je peux yani وهل لك إلى رب إلى أن وهل لك إلى أن تزكى هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. Donc ça c'est le verset au complet, c'est les deux versets. Donc est-ce que je peux t'amener à te purifier, est-ce que je peux t'amener à te purifier, c'est ça que ça veut dire. Donc il demande à Pharaon de l'amener à sa purification. Et il dit وقال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم وهي التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان الذي به يزكو القلب فإنه يتضمن نفي إلهية سوى ما سوى الحق من القلب وذلك طهارته وإثبات إلهيته سبحانه وهو أصل كل زكاة ونماء فإن تزكى وإن كان أصله النماء والزكاء والزيادة والبركة فإنه إنما يحصل بإزالة الشر ولهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعا فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد والتزكية يعني وجعل الشيء زكيا إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر عنه كما يقال عدلت وفسقته عدلته وفسقته إذا جعله كذلك في الخارج أو في الاعتقاد والخبر. Donc le cheikh il dit un verset dans sourate Fussilat qui est le verset 6 et 7 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et malheur aux mushrikin, et malheur aux mushrikin, ceux qui ne donnent pas la zakat. Est-ce que dans ce verset le terme zakat ça signifie la zakat qu'on donne de l'argent ou de la zakat dans le sens de la purification? Et donc les ulama de tafsir, la plupart d'entre les salafs ont dit, et ceux qui sont venus après aussi ont dit que c'est la zakat dans la purification, c'est-à-dire de purifier la aqidah, de purifier le cœur par le tawhid. Parce que le mushrik, même s'il donnait l'argent en zakat, ce ne serait pas accepté de lui, tant qu'il n'a pas purifié son cœur du shirk. Et donc c'est pour ça que ici وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةِ, hein, que malheur aux mushrikin, ceux qui ne donnent pas la zakat, ça signifie ici ceux qui ne disent pas, qui n'établissent pas le tawhid, qui n'ont pas dit la ilaha illallah et qui n'ont pas la foi. Parce que c'est la foi en la ilaha illallah qui purifie le cœur. Et c'est ça qui implique, et ça c'est impliqué par la négation de toute divinité en dehors de la vérité, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer quoi que ce soit, ça implique de nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, dans le cœur. Et ça c'est la purification du cœur et l'affirmation que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être adoré. Et ça c'est la base de toute purification et de toute augmentation ou croissance. Donc le fait de se purifier, même si à la base ça veut dire dans la langue d'augmenter ou d'accroître ou de bénir quelque chose, d'avoir de la baraka dedans, parce que la baraka ça veut dire la même chose, l'augmentation. Et donc il dit, dans ce cas-là, il dit ça va uniquement arriver en enlevant le mal. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de bénédiction ou d'augmentation ou de purification ou de croissance, excepté en enlevant le mal. Et c'est pour ça que la personne qui s'est purifiée, eh bien, elle possède les deux choses ensemble. La purification de son cœur, qu'est-ce qu'il y a, la base de qu'est-ce qui va purifier son cœur et son âme, c'est le tawhid, et la tazkiya, c'est-à-dire de rendre quelque chose pur. Purifier quelque chose, ça veut dire de le rendre pur, soit en lui-même, ou soit dans la croyance en cette chose, et par l'information à son sujet. Et donc il dit, de la même manière que tu dis, adiltuhu, wa fasaqtuhu, idha ja'altahu, kadhalika fil kharij, wa fil i'tiqadi wal khabar. Donc c'est la même chose. Si tu dis j'ai redressé quelque chose ou j'ai corrompu quelque chose, lorsque tu l'as rendu ainsi dans la, à l'extérieur, eh bien c'est la même chose dans la croyance et dans l'information aussi. Et ça c'est tiré de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Irasatul Lahfan. Et ensuite il dit وَقَدْ جَاءَ عَنِ السَّلَفِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ما يؤيد هذا؟ قال قتادة طهرها أو طهرها من يعني طهرها من الأخلاق الدنيئة والرذيلة والرذائل ويروى نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير. Donc le cheikh il dit نعم وقد جاء عن السلف في تفسير قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ما يؤيد هذا المعنى؟ قال قتادة طهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل ويروى يعني نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وهذا كقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وأما وقد خاب من دساها يعني أي دسسها أي أخملها ووضع منها بخذلانه ووضع منها بخذلانه إياها نعم حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله. والمقصود أن معنى تزكية النفس هو تطهيرها من أدران الشرك والكفر وحوب المعاصي أو المعصية والذنب. وقال وقد قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقوله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى لا تخبر بزكاتها وتقول نحن زاكون صالحون متقون لا. ولهذا قال عقيب ذلك هو أعلم بمن اتقى وهذه كقوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء والله لا ولا يظلمون فتيلة ولا يظلمون فتيلة. Donc ça c'est la fin. Le cheikh il explique, il dit que il y a le verset dans lequel il dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, c'est dans Sourate al-Shams, vers les dernières sourates du Coran, et il mentionne que yani, a réussi certes celui qui la purifie en parlant de l'âme et est perdu celui qui la corrompe. Et il dit qu'il y a des significations qui ont été rapportées dans le tafsir de ce verset chez les salafs qui supportent cette signification-là. Et il dit que Qatada a mentionné que ça signifie celui qui la purifie, c'est-à-dire qu'il la purifie des mauvais comportements et des saletés. Et la même chose a été rapportée de Mujahid, de Ikrima et de Saïd ibn Jubayr. Et il dit, hein, c'est comme dans la parole du verset 14 et 15 dans Surat Al-A'la, celui qui a purifié, celui qui s'est purifié a certes eu le succès. et s'est rappelé du nom de son Seigneur et a établi la salat. Et le verset dans lequel il dit « Et a péri celui qui l'a corrompu » en parlant de son âme, c'est-à-dire qu'il l'a rendu yani qu'il l'a laissé monter et commettre tous les péchés qu'elle voulait et l'a laissé abandonner l'obéissance d'Allah. Tu laisses ton âme comme ça, faire tout ce qu'elle veut, désobéir à Allah et abandonner l'obéissance d'Allah. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, elle va devenir éloignée de la guidance et éloignée de la de qu'est-ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que la signification de la purification de l'âme, c'est de la purifier de tout ce qui a rapport avec le shirk et des saletés du shirk, des saletés du kufr, les saletés également des péchés et de la désobéissance et des péchés. Il dit dans le verset également dans Surat al-Najm, le verset 32, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il fait l'éloge de ceux qui s'écartent des grands péchés et des turpitudes, excepté des petits péchés. Parce que les petits péchés sont effacés par les bonnes œuvres qu'on fait. Et il dit, certes, ton Seigneur est large en pardon. Et il sait mieux votre état lorsque vous êtes, lorsqu'il vous a fait pousser de la terre ou lorsqu'il vous a fait croître dans le ventre de vos mères lorsque vous êtes des fœtus, encore en train de vous développer dans le ventre de vos mères. Donc c'est lui qui vous connaît mieux. Il vous connaît depuis qu'il vous a créé. Lorsque vous étiez rien. Alors ne vous purifiez pas vous-même. Il connaît mieux celui qui est pieux. Et il dit, le cheikh, il explique, il dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ne vous purifiez pas vous-même, c'est lui qui connaît mieux qui est pieux. Il dit ça veut dire que tu ne dois pas informer les gens de ton état par toi-même, de ta purification par toi-même. Que tu dis par exemple aux gens, nous sommes les purs, nous sommes les pieux, nous sommes les vertueux. Non, il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il complète le verset en disant, il connaît mieux celui qui est pieux. Il connaît mieux celui qui est pieux. Et ça c'est comme ce qu'il a dit dans le verset. N'as-tu pas vu le verset 49 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'as-tu pas vu ceux qui se purifient eux-mêmes? Mais c'est plutôt Allah subhanahu wa ta'ala qui purifie qui il veut, et ils ne seront pas du tout lésés, on ne leur fera aucune injustice. Donc ça c'est ce qui vient compléter donc le cours d'aujourd'hui, 49, le verset 49 dans Sourate An-Nisa. N'as-tu pas vu ceux qui se purifient eux-mêmes? Mais c'est plutôt Allah subhanahu wa ta'ala qui purifie qui il veut, et ils ne seront point lésés. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui et on expliquera au prochain cours les autres aspects qui ont rapport avec la purification de l'âme, inshallah. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.